un vendredi comme les autres, puisque nous sommes, puisque nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, Le vendredi, vendredi, premier, vendredi, de 9000, Enregistré des abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec. À Québec, la plus associative francophone au monde. Wow, là je sais qu'il y a des gens qui ont le tympan passablement saignant. Et je m'en excuse infiniment. Puisque j'ai oublié d'enlever en tout cas, le son qui ramène toujours le son. À une certaine époque, on n'avait pas ce genre d'outils ou de... Pardon? Allez-y, là. Soufflez-moi, j'ai besoin d'une bougie. Allez, c'est... Oui, OK, nous n'avions pas autant de modernisme. Merci. Donc, on allait dans la salle de bain. Je le sais, c'est de la répétition. Toute ma vie, j'ai répété. Mais, là, on l'a, le révélateur. Mais j'ai oublié de l'enlever pour le générique. Puis là, je suis en train de m'étouffer. Puis si je le pars du début, bien, on va entendre l'ancien. L'ancien quoi? L'ancien Fernand? L'ancien Fernand? Ah! Fernand Lebrun! Ben non! Il fait Fernand Lebrun nous a quittés à l'aube de 2017. Puis, bien sûr, à la pénombre. Non, à la nuit. À la nocturne. À la nordicité, regarde-moi ça de l'insigne. Ouais, OK. Ben, pendant la nordicité, mon ami Lebrun a trépassé dans le noir. Mais là, c'est pas le temps de parler du brun, ni du noir, même si ces couleurs ne s'épousent pas vraiment. En fait, je vais vous préparer à l'ancien générique, parce que j'avais oublié d'enlever le ça avait pas de bon sens, puis j'ai dit, je peux pas couper ça, j'avais fait une introduction extraordinaire! Mais selon moi, extraordinaire, là. C'est juste, tout est selon moi, hein. Dans cette émission-là, depuis belle lurette, quand tu te souviens pas des années, là, quand tu sais plus à quel moment ça s'est produit, tu te dis, belle lurette, ah ouais, hey, la dernière, ça s'est passé à la belle lurette. Non, ça fonctionne pas, ça, à la belle lurette. Ça, on dirait que c'est comme dans une soirée où il y avait juste une petite lampe à la belle lurette. Mais elle éclairait pas trop. Hein? Elle éclairait juste l'innocence du peuple en général. C'était comme une poursuite. Si vous faites du théâtre, si vous êtes éclairagiste ou juste pigiste, quoique pigiste, c'est pas juste, si vous êtes pigiste, tant mieux. C'est un métier comme un autre. Attendre les appels, attendre le travail. Un téléphone, je n'aime pas. Le téléphone. Mais là, attendez. Hey, attendez, là. Je me dis ça pour moi. Je me parle au pluriel. On va passer le générique, mais bien sûr, c'est l'ancien. Parce que j'ai pas fait attention et je voulais dire. Bon, OK, on y va. Arrête. Raconte pas ta vie. T'as le temps, t'as 2 heures pour le faire. Okay. Petit Rénal de CKRL. Ah oui. C'est le nom de la radio, en fait. Mais oui, ben ça plus, c'est. C'est les vacances, bonne nouvelle. Avec Pauline et puis Garance. Nous voilà bien, nous voilà belle. Faut pas chercher trop loin. Hein. Même si c'est sûr qu'à la radio, on ne sait pas Mysterioso. Par rapport à Belle. Fais-nous confiance, CKRL. Passe le bonjour à Marc Chabot, qui à Québec est un de mes potes. Fais-lui plein de gros becs. Un jour je t'épouserai, Québec. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Fring! C'est moi. C'est juste moi. Comment ça va? Bon, effectivement, c'est baroque. C'est hors de l'ordinaire, mais vous êtes habitués, fait que quoi? Fait que, c'est épouvantable de dire fait que à la radio. À l'autre, là, celle que l'on paye, quoique c'est KRL, on est membre, on est heureux. Mais l'autre, on est obligé de payer. On veut pas entendre un fait que. Peut-être un invité. Mais écoutez, j'ai compté 3 buts, fait que j'étais bien heureux. Fait que. Quoique, il faut être heureux de nos québécismes. Puis l'autre, la radio d'État, est beaucoup plus axée sur l'européanité. Hein? L'euro. Hey, l'euro, c'est de nos jours, c'est pas donné, hein? Non, ça n'a jamais été donné, il fallait l'acheter, mais non. Mais européanisé. Voilà, européanisé. Ben, je voulais tout. Non, rien à voir avec Laurent Pagny, là. Florent Pagny. C'est une manie de parler de comme ça à ce gars-là, là. Oui, Florent Pagny. Au début de sa carrière, c'était extraordinaire. Après ça, ça s'est gauché un peu. Puis maintenant, ben c'est le Obispo. Bon. Ils m'ont dit d'arrêter de taper sur Obispo, arrêter de taper sur Garou, arrêter de taper sur Natacha Lespied, arrêter de piocher sur Céline Dion, arrêter de piocher sur des cabochons. Mais écoutez, sont là, faut bien frapper dessus. Mario Melcha. Melcha. Moi, je préfère le Melchake sans le chat, moi. Le chat, ça me donne du chien. À l'entendre, là, je suis de mauvais poil. Mais je l'écoute jamais, sauf quand, bien sûr, j'occupe le côté passager d'un véhicule. Et l'autre a, bien sûr, l'option musicale et l'option aussi de contrôler ma vie. Si lui décide ou si elle décide de frapper le mur, ou de frapper un arbre, ou de frapper quoi? Entendre quoi? Oh, ça, enlève-le, c'est pas beau ça. Oh, c'est mieux. Oh, ça, j'aime ça. Oh, oui. Là, vous allez dire, je sais que les gens vont dire, t'as trop de réverbération. Il n'y en a jamais assez. Jamais assez. Là, en parlant de jamais assez, on est rendu aujourd'hui. Faut changer de registre. Quand je dis de registre, là, c'est changer de cassette. Parce que ça va nous prendre au moins 6 mois à dire « Ah ouais, mais en 2016, en 2017. » Il faut s'habituer. Il y en a qui sont professionnels là-dedans. Là. Au jour le jour, ils savent bien que là, pas compliqué, là. Hein? Pas compliqué, c'est 6 janvier 2017. 6 janvier 2017. Ben oui, mais là, pour toi, c'est simple. Mais pour certains, dont moi, c'est des conséquences étranges, c'est des conservations d'images, c'est des conservations de du passé, c'est des photographies de l'existence. Hey, monsieur. Mais là, on va lâcher la photographie de l'existence, mais, je parlais avec une ingénue de 22 balais. Et je sais pas pourquoi je suis arrivé sur le Pluton. Sur la planète Pluton. Mais elle m'a dit, Pluton n'est plus une planète. J'ai dit, voyons donc, oui. Attends. Vas-tu me dire que Leonard Cohen est ressuscité? J'espère que oui. Vas-tu me le dire? je te le dirai bien, mais je ne sais pas comment le dire. Bah, t'as pas les mots pour le dire. Vas-tu me dire si François Sagan est toujours vivant? Vas-tu me dire si la vie vaut la peine d'exister, hein? Est-ce que ça vaut la peine d'exister? Ben oui, ça vaut la peine, au moins de se rendre jusqu'à 2h du matin. Fait que là, Pluton, selon elle, parce que moi, j'ai lancé une phrase comme je lance tout le temps des phrases un peu partout. Comme ça, à l'imprévu, un peu comme dans l'obscurité, nous tâtonnons pour tenter d'atteindre. Je dis, Pluton est une planète. Elle dit, non, c'est plus une planète. Mais voyons donc, depuis quand, là? Mais je suis endormi pendant 20 ans, puis là, je vis malheureusement ou heureusement sur Pluton. Non, c'est plus considéré comme une planète. Hein? Ça fait que... Elle m'a dit, ça c'est intéressant, là. Malgré son innocence, c'est intéressant. Elle m'a dit, hey, tu m'as traité d'innocente? Ben oui, c'est pas grave, tu m'écoutes pas. Mais c'est parce que ce qu'elle m'a lancé m'a inspiré. Elle a 22 ans. Elle dit, moi, ma formation académique est plus fraîche que la tienne. Ça n'a aucun rapport. Aucun rapport, puisque on se met en formation constamment. On n'est pas obligé d'aller dans les institutions éducationnelles. On n'est pas obligé de s'écraser le popotin sur une chaise devant un pupitre et écouter un maître nous expliquer sa théorie de l'existence ou sa théorie de sa profession. On peut aller chercher dans les livres, à la radio. CKRL est là pour ça. CKRL, oh là là là là là là là, je vous le dis. Mais même partout. Donc, je me suis dit, voyons donc, comment ça, Pluton n'est plus une planète? Elle dit, non, elle est trop petite. Ah ben? De quoi, elle aurait petit avec le temps? C'est comme lorsque tu vieillis, tu ratisses. Tu ratisses large, il me semble, là. Non. Elle fait qu'elle là! Elle dit, je vais prendre quelques minutes après, puis je vais aller voir après, ça veut dire après la clientèle, et puis je vais te montrer sur Internet, là. Puis j'ai dit, non, hey, on va pas en bas pour voir ça. Non, elle dit, mon téléphone. Ah, c'est vrai, il y a des téléphones qui peuvent prendre Internet. Le mien, c'est, il prend à peine les appels, ça sonne, je réponds pas. Puis quand ça sonne pas, je réponds. En tout cas, c'est une planète naine. Elle a à moitié raison. Puis là, ça a été intéressant parce que le public était là. Il y avait du public. Comme aujourd'hui. Merci de m'écouter, c'est KRL. Auditeur, auditrice. Vous êtes merveilleux. Puis surtout pendant cette période-là, il y a beaucoup plus d'oreilles greffées à cette merveilleuse radio. Qui a gagné des prix, je vais arrêter de le dire, là, mais elle a gagné des prix, puis elle n'arrête pas de gagner des prix partout. Surtout quand j'entends ça, ouais, on a gagné des prix dans l'international. Hey, nous, là, attention, on n'est même plus dans l'international. Ça fait longtemps qu'on n'est plus là-dedans, nous autres, là. C'est trop petit. On est dans le mondial et on est dans l'universalité. L'universalité, oui, ça. On est dans la vision. Global! Saviez-vous que... On va laisser Pluton tranquille pendant 30 secondes. 30 secondes. On compte 30 secondes. On y va? Bon. Je vous le dis, 30 secondes, là. Je le compte. Depuis que je l'ai dit, là, il y a 9 secondes. OK? Alors donc, imaginez-nous, sur Saturne, on a gagné 3 prix sur Saturne pour la meilleure radio qui émet dans la stratosphère planétaire. Là, vous allez me dire, ouais, mais où on peut voir ça? Tu peux dire n'importe quoi. Là, t'es parti comme un petit grizzly. Tu marches dans les bois. Tu grimpes dans les arbres. Tu te lances à terre. Puis tu rigoles après. Mais non. Je vous demanderai. Ouais, on a dépassé le temps. C'est normal. C'est mon émission. Fermez les yeux, vous allez voir les 3 trophées apparaître. Parce que c'est des trophées tridimensionnels. Puis là, je sais qu'à travers vous, il y a des gens qui ne peuvent pas voir en 3 dimensions. Mais pour la première fois, vous allez voir en 3 dimensions. Fermez les yeux. Il faut que ce soit obscur. Donc, si vous êtes en voiture, fermez pas les yeux. Garez-vous. On va vous laisser quelques secondes pour vous garer. D'accord? Donc, on va faire jouer une chanson, une musique d'ascenseur. Bon, tout le monde est garé, tout le monde est prêt. La luminosité est réduite. Monsieur Tremblay, baissez la lumière! Bon! Allez dans le gris sombre. Le noir. Ma noire va dans le noir, toi aussi. Ah, oh, elle aime ça dans le noir. Ah! Oh. L'autre, c'est dans le brun. Non, dans le noir, pas dans le brun. Ah, j'ai pas le temps de laver. Donc, Voyez-vous ce qui s'illumine devant nous? Trois belles lumières éclatantes qui s'appellent des mentions d'honneur pour notre travail ici au 405 3e Avenue à CKRL. Et on vous en remercie parce que c'est les terriens qui, grâce à leur exactement, à leurs ondes, à leur puissance psychique, ont lancé des informations sur Saturne. Et c'est Saturne qui, en tournant, a capté tout ça et a déclaré, durant 3 années consécutives, comme la disque, il nous a consacré la meilleure radio francophone, mais là, pas québécoise, au monde, au même titre que elle est la première radio associative francophone au monde. Merci, Saturne. Mais là, on va tomber sur Pluton. Je sais, je me suis égaré. Le mieux, quand tu t'égares en chemin, c'est de savoir comment reprendre le parcours pour arriver au point où tu t'es perdu. Ça, c'est important, là. Quand tu te perds, il faut te repérer. Et là, Pluton n'est plus une planète. Oui, mais elle est naine. Là, ben, là, avant de faire mon émission, j'ai vérifié les nains célèbres. J'ai pas pu imprimer, je l'ai oublié. Puis j'ai pas Internet ici. Donc, rapidement comme ça, si je m'en souviens, il y a la Française là, qui a chanté dans le Big Bazar et qui fait une émission. C'est pas une émission, c'est un genre de téléroman ou un. Insipide, mais en tout cas, elle est Tilly-Mati ou Mati. Mati, ma petite Mati, viens dîner, le repas est prêt. En tout cas, Pluton est une planète naine, officiellement désignée par 134, 340, hein? Ah ouais, officiellement, elle est désignée par un chiffre, 1, 3. Je vais vous dire les chiffres, madame. Là. Prenez ça en note pour le 649. Pour les loteries, là, ça risque d'être gagnant. Alors, c'est le 1, le 3, le 4, le 3, le 4 et le 0. Bon. Pluton, désignation internationale de 13-43-40. Pluton est la planète naine la plus volumineuse. Fait que, hey, déjà là, c'est une petite grosse. Là, je pense que à un moment, je crois que à un moment donné, les chercheurs, j'ai perdu ma feuille avec mon pied. Je tente d'aller la récupérer, mais j'ai des moufles en forme. C'est pas important, c'est de la radio. Bon, ok. Ça, on a-tu est-ce qu'on s'est rendu compte que je me suis penché? Mais oh, est-ce que tu t'es rencontré hier soir? Ben, au moins, tu existes, c'est bon, bravo. Alors, officiellement désigné, la planète naine la plus volumineuse. C'est quand même assez difficile à apprendre. Hein? C'est pas juste à apprendre, mais à apprendre. Imagine-toi, Pluton, là. Elle dit, ben oui, je suis petite, mais je suis grosse. Ça dit beaucoup de choses là-dedans, là. Les savants, à ce moment-là, ils ne savaient plus rien. Ils savaient plus à quel sein se vouer. Puis ils disaient, ben on va s'intéresser à Pluton. Ah oui, on va noircir son sort. On va la détruire. On va prendre... ce que tous les gens croyaient qu'elle désignait, puis on va comme... On va... Ouais, c'est... Voilà. Sa réputation sera réduite au néant. Et puis plus tard, ben, en 2017, en juin 2017, le 13 juin 2017, on la fera exploser pour le plaisir de faire de faire des audimats, de faire des se faire voir du peuple à CNN. Imagine-toi donc, Pluton explosa. Des savants inquiets. Inquiets sont tout arrangés pour que ça explose. Là. Bon. Puis là, on les voit. On voit leur menu. Oui. Ils sont penchés devant leur crayon. Puis un papier. Oui. Ils sont dépassés par les événements. Ben non, c'est eux autres qui ont provoqué l'explosion de Pluton. En 2017. C'est épouvantable. Parce que c'était une petite grosse. Faut aimer les petites grosses. Connu comme Barabbas dans Passion, mais connu du système solaire et la deuxième au niveau de la masse. À ce titre, Pluton est donc la neuvième plus grosse, le plus gros objet orbitant autour du Soleil. Exception faite des lunes, des géantes gazeuses. Et là, je tiens à demander aux géantes gazeuses arrêter de péter. Ça pue. Et la dixième au niveau de la masse. Quand même, quand t'es dixième au niveau de la masse, c'est quand même pas pire. Là. La masse, c'est assez populaire. Aujourd'hui, je sais pas, là, au niveau terrien, la dixième, ce serait qui? Hein, c'est intéressant, là. Est-ce que c'est au niveau artistique? On pourrait placer ça au niveau artistique, parce que... Sportif, ça m'intéresse pas. Au niveau sportif, au niveau... économique non plus. Attends, au niveau artistique. La dixième. Difficile à dire, là. Planétaire. Ça doit être sans doute une indienne, parce que en Inde, là, ça roule pas mal. En tout cas, je la connais pas. Mais, à ma connaissance, là, si je dois nommer la dixième la plus populaire, au niveau de la masse, ben, ce serait... c'est intéressant, on me demande. Ben, non, c'est toi qui te demande, oh! Attendez, rapidement comme ça... Non, Brigitte Fontaine, pour moi, c'est la première... Donc, la dixième, Zazie, mais dans le métro, parce que là, elle est partie. Donc, au dixième, au niveau de la masse, premier objet, transneptunienne, identifié. Pluton orbite autour du Soleil à une distance variante entre 30 et 49 unités, ça dépend de la journée. Hein, le vendredi, c'est « Oh, c'est 29 », là « Oh, c'est 47 », ça dépend de tout ça. Ceinture, dont il est tant de taille, le plus grand membre connu. Oh, attendez, c'est important, ça, là. Unité astronomique, et appartient à la ceinture de Kuiper. Ceinture dont il est tant par la taille que par la masse, le plus grand membre connu. Là, tous les acteurs porno, ils vont dire, « Voyons donc, j'ai signé, moi, là, des contrats pour... Puis j'ai dit, afin d'avoir plus d'argent, que j'avais le plus grand membre connu. » Et voilà. On vient de te retrouver. Tu n'es qu'un simple rigolo. Un guignol. Et vous, mes amis? En ce beau 6 janvier 2017, comment ça va? Ben non, ça va bien! Tu verras, ça ira bien. Alors moi, je suis heureux de vous rencontrer. J'ai fait un arrêt parce que j'ai plein de textes à lire. Puis je me demande si je vais aller plus loin. Mais non, nous sommes déjà un peu bousculés. Non pas par la masse. Mais par le temps. Bousculé par le temps. Imagine-toi donc quand t'es bousculé dans le métro, quand t'es bousculé dans l'autobus, quand t'es bousculé au supermarché. tu dis, OK, c'est un peu normal, mais là, bousculé par quelque chose qui n'est pas physique, bousculé par le temps. C'est intéressant, c'est intriguant. Ça demande une recherche ou une discussion, aller plus loin. Arrête donc, toi. On dira Nina Begun. Qui? Nina Begun. Oh, la grande chanteuse Nina Begun. Connaissez-vous Nina Begun? Mais moi, je connais, attention! Je connais Nina Hagen. OK, non, c'est pas celle-là. Oui, c'est la fille qui se prend pour Nina Hagen. Nina Begun. Mais j'ai jamais eu aucun béguin pour Nina Begun. Jamais j'oserai. Puis dans la vie, ben, il faut oser. Puis quand on n'ose pas, ben. Là, pendant ce temps-là, je parle, puis j'essaie de trouver le record, puis ça fonctionne pas. No, no, no, no, no, no. la basse, François Lelage. Philippe Breil, batterie et boîte à rythme. Richard Mortier, guitare rythmique. Christian Torino, clavier et sax. Et Olivier Gardon à la guitare. Bichou, bichou, travaille pas surtout. Je vais pas faire de bruit, juste un café, c'est tout. Je peux plus rester ici, je dormirai, je pense. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Merci. Thank you. L'émission, comme les deux dernières semaines, se tiennent et se retiennent. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ben, c'est mur à mur, Boris Bergman. Musicalement parlant, c'est ça. Aujourd'hui, le vendredi 6 janvier 2017, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de ce monsieur Boris Bergman, qui est d'origine russe, né à Londres le 31 août. C'est un parolier écrivain et acteur et dramaturge britannique. Il est notamment connu comme parolier des premiers succès d'Alain Bashung. Nous terminons avec grande tristesse ces trois belles rencontres avec lui. Je nous souhaite une belle émission, la première de l'année, donc... Arrose-la, l'émission, là, c'est le temps. Elle s'enflamme, et tant mieux. Donc, ce soir... Soulignons cette dernière rencontre avec mon ami... Beau, c'est beau avec Boris Bergman. La preuve, c'est à ce moment précis que l'artiste, va nous séduire. Alors, on va partir avec Boris sur la rue. Je peux pas la nommer parce que je veux pas que vous y alliez. Je sais plus. Oh non. Je sais plus. Oh, Boris est rendu. Il est là. Listen to the organ that I play for you. Since you got no choice, hear me through. You look as if you like it, but you seem reserved. It's my requiem for a jerk. Taking code if you've got the nerve. une vieille guitare pourrie. L'amour, ça n'a toujours pas de prix, on m'a retiré le permis. Je frotte le zippo du vieux, mais trop mouillé la mèche. Pour la guitare, ça roule pas de l'aise. En attendant qu'elle sèche, plus jamais de s'étouffer. On ne peut plus me toucher. Peut-être plus facile juste avant que je te lorgne. L'amour était encore un aveugle, j'ai dû dépasser les borgnes. Tout ça tient qu'au timing, rentrer du taf plutôt que d'habitude. J'ai collé un alli au lit avec le rôdi qu'elle est rude. Alors plus jamais mes épousés, on ne peut plus me toucher. Sorcier dans une vie antérieure. Pour me voler dans les plumes, j'aurais connu que des oiseaux de malheur. Guitare pourrie, suis-moi jusqu'au bayou, on se fait un petit plongeon. Ça fera plaisir à personne, sauf aux 14 de la région. On ne peut plus jamais baisser blousé, on ne peut plus me toucher. Plus jamais baisser blousé, on ne peut plus me toucher. tried to talk you out of it, Lord, but your mind was setting suns. A redhead horizon, wearing my colors. I miss that painted leather, zipped undone. Adieu monsieur, tout est fini. Darla dirla dada. Adieu l'enfant, tu pars aussi. Darla dirla dada. On dit que la ville c'est mieux qu'ici. Darla dirla dada. Tu pourras avoir des voitures. Darla dirla dada. Comme dans les livres d'aventure. Darla dirla dada. Je n'ai qu'une enfant, c'est ma terre. Darla dirla dada. Je n'ai qu'une amie, la rivière. Darla dirla dada. Elle est à moi, elle me connaît. Darla dirla dada. Quand elle danse toujours pour quoi et demi, parce qu'il y a une chanson de 39 secondes en russe de Aubert. Bon, voilà. Mais non, ça me va dans la mesure où ça m'a permis de rencontrer des gens, de faire des très belles émissions. Et puis, parler, par exemple, de cet opéra de Kurt Weill que j'avais adapté pour Alain René et qui s'est pas fait pour des raisons de droit. J'ai fait Lucien France Q avec Jean-Pierre Dionnet et Philippe Rouillet qui m'a parlé de ça et qui m'a appris, comme toi tu m'apprends, qu'il y a un an, il y a un spécial positif où René parlait de moi. Ouais. Il faisait des choses extrêmement gentilles et moi je ne le savais même pas. Donc au moins, ça m'a. Voilà, j'ai appris plein de choses sur moi grâce à ce. C'est bien. Si tu étais une ville. Une ville. Londres. Oh, Londres, on en parle beaucoup ces temps-ci. Ouais, mon frère. Si tu étais une langue. Le russe. Est-ce que tu pratiques encore? Est-ce que tu. Ouais, bah oui, bah là, je vais pas. Tout mon rôle est en russe, tiens. Avant que tu arrives. Regarde. Mon rôle dans le film, regarde. Oh! Ok. Ok. Ouais. Si tu étais une époque. C'est l'avenir. Si tu étais un mot. Gentillesse. Si tu étais un aliment. Du hareng avec des mâles au sol. Okay. Si tu étais une saison. Une saison. Saison très ménière entre le printemps et l'hiver. Quoi. L'hiver québécois ou l'hiver russe? Bah, l'hiver québécois, c'est le même que l'hiver russe. Hein. Oui. Moi, quand j'étais à Saint-Laurent, dans les Laurentides, dans la maison de Sainte-Catherine, dans la maison de Dupéré, oui, okay. Et je voyais les forêts de bouleaux et tout, j'y étais. Hein. J'étais dans ma. Alors, j'ai écrit pour Amélie Veil une chanson sur Anna Karénine. Pour moi, j'étais en Russie, c'est la même. C'est les paysages que. Ouais, complètement. Si tu étais un membre corporel. Les yeux. C'est l'âme. Comment ? C'est l'âme. Ouais, c'est le miroir de l'âme. Le moment de la journée. Entre chien et loup. Arthur H. me l'a dit il y a à peu près une heure et demie. Chien et loup. Pourquoi lui c'est à cause des couleurs, à cause de la. Parce que c'est intermédiaire. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme si tu étais dans un train. L'interzone. Le temps que tu dises je suis là, tu n'y es déjà plus. C'est une zone indécise. J'ai écrit une chanson d'ailleurs. Je ne sais même plus comment elle s'appelait pour Paul Personne. Qui était vraiment. Quel artiste hein. Et d'ailleurs, j'ai ce que j'appelle mes chansons Entre chien et loup, qui sont des textes de fin de journée, comme ça. Okay. Où il y a la lumière va disparaître, mais il n'y a pas encore la nuit. J'adore être dans ces parenthèses-là, en tout cas. Si tu étais un autre individu. Oh, je dois dire que j'aurais bien aimé être. J'aurais bien aimé être ces gens de la génération de mon grand-père qui, même avec l'âge, ne devenait pas impatient et qu'on avait tellement vu, qui relativisait un maximum. Ils me l'ont transmis, mais je ne l'ai pas. Mais je suis quand même impatient, mais je suis quand même. Voilà, j'aurais bien aimé être plus patient, je ne suis pas patient. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? J'ai tellement la sensation de plus en plus que tu choisis ce qui t'a choisi. Quoi. Je me demande si quand tu choisis quelque part, c'est pas une illusion. Quoi, parce que je sais pas, je veux dire, bon, on est comme des. La tribu des sales gosses dont j'espère faire partie dit que bon, il y a toujours des choses que tu vois. Tu aurais voulu faire, que tu n'aurais pas fait, que j'aurais pas le temps de faire. Oui, j'ai quelques regrets, j'ai pas de remords du tout, mais j'ai des regrets sur des trucs, des chansons que j'ai pas terminées avec Bachung, Jacques No, on a fait deux chansons, comme on n'avait pas du tout les mêmes horaires, au bout d'un moment on n'a jamais terminé. Il est mort avant. Il est mort jeune. Donc, comment je pourrais te dire ? Je sais pas, s'il avait été dans un pays comme les. S'il était en Angleterre ou aux États-Unis, j'aurais plus fait l'acteur. Ça m'aurait bien plu de temps en temps. Dans la mesure où, pour te répondre à cette question-là et à celle que tu m'as posée avant, je dirais que ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que chaque activité est devenue la récréation de l'autre. Là, j'ai écrit une telle chanson, il n'y a pas fait depuis longtemps, parce que la promotion là, du coffret, ça m'a crevé. Ouais. Beaucoup de travail, hein. Ben, c'est pas ça, c'est que je ne m'attendais pas à en faire autant. Et d'avoir autant de réactions aussi. Oui, et quand je rentrais chez moi, je me... vidé. La seule courage que j'avais, c'était de mettre une série sur le DVD ou de regarder des séries sur Canal Série. Il n'y a plus que ça qui m'intéresse vraiment. Voilà, me mettre Better Call Saul, là. Comment on appelle ça la série parallèle, rapport Breaking Bad, qui est le terme anglais. Et tu as mis quoi des séries? J'adore ça, Breaking Bad. Breaking Bad, c'est... Quoi, ça t'évade, ça coupe de la réalité. Ah, ça renoue avec quelque chose que j'ai bien aimé, le feuilleton, la série dans les journaux, enfin, oublions pas que Balzac, c'était ça aussi. Puis ça permet de s'attacher au personnage, ça permet de les suivre. Et puis à un moment, c'était le personnage qui a son quart d'heure warholien. À un moment, c'est plus l'autre qu'il a. J'adore les séries dans ce sens. Oui, vas-y. Non, ouais. Est-ce que c'est lourd d'avoir des initiales bébé? Ou si c'est plus rigolo, plus ludique? Non, on fait marrer, oui. Brigitte Bardot. Oui, je suis la Brigitte Bardot du parole. Mais non, mais ça te plaît de signer bébé? Ça, oui, au début, je ne faisais même pas attention. C'était... Ok, instinctif. Ouais. Mais j'étais... Non, c'est vrai que... Ils disent ici que j'ai eu un trajet atypique, mais atypique par rapport aux critères de français. Au Japon, en Italie, Massimo Ranieri a fait le festival de San Remo, il a tourné avec en Bolognoni, Antonioni. Ça a été ici, moi. On est cloisonné. T'es chanteur. Mais là, je devais jouer le rôle du médecin en Versailles. Les Anglais m'avaient adoré parce qu'ils avaient bien compris. Quand je parlais au roi, je parlais upper class English. Quand je parlais à ma fille, je parlais avec l'accent de l'anglais. Et le metteur français, le français, lui, il n'a pas du tout compris ça. Il ne parle pas anglais. Il croit qu'il parle anglais. Oh, ouais. Il sera anglais. Non, il croit ici que si elle mon mari se traduit par Sky my husband. Bon, donc. Si tu veux, au dernier, il y avait un acteur anglais qui vit en France, il y avait moi, et au lieu de partager, ils ont dit ah non, mais il ne faut pas prendre Bergman, c'est un parolier. Et je sais que ça. Moi, quand j'ai tourné avec Denis Arcand, il ne savait même pas que j'étais parolier. Et au bout de 15 jours de tournage, il m'a dit il y a ma. Il y a ma directrice de production qui m'a dit, tu sais Boris, excuse-moi, je sais pas, je dis au contraire. Formidable, tu m'as traité comme un acteur. Normalement. Là, ici, ils ne comprenaient pas. Je suis arrivé dans le tournage en haut de tous les miens en Hongrie. La coach m'a dit, mais ça marche bien pour toi, qu'est-ce que tu viens faire là? Take my bird, digga, digga, digga, digga. Hold on hard to catch a cotton picker. Break the chain, digga, digga, digga, digga. Gumshoe, the native is a killer. Time bomb, a ticker, ticker, ticker. Roy Rogers pulling on a trigger. Dig down, digga, digga, digga, digga. What are you? Sorry, angel, sorry, soul. sorry so. S'il te plaît, ça rougit. s'il te plaît, me brûle pas. Oh, tu te sens perdu à mes corps. Cela j'étais comme un sort. Je suis celui qui t'aime encore. Oh, tu te sens perdu, causé âme. Cela j'étais sous une lame. Je suis celui qui soudain. Don't let me make the same mistake again. Please don't let me make the same mistake again. Please don't let me make the same mistake again. Don't let me make the same mistake again. Oh, tu te sens perdu à mes corps. Cela j'étais comme un sort. Je suis celui qui t'aime encore. Oh, tu te sens perdu à mes corps. Cela j'étais comme un sort. Je suis celui qui t'aime encore. Don't let me make the same mistake again. Don't let me make the same mistake again. Please don't let me make the same mistake again. Please don't let me make the same mistake again. Bête que cette intervieweuse, dont je tairai le nom, qui m'a dit « Alors Boris, vous devez bien vivre de vos droits d'auteur, pourquoi vous continuez ? Pourquoi tu continues à vivre ?» Alors dans ces cas-là, maintenant, je vais chanter deux trucs de Aragon et de Ferré. On fait de tout, on va, on vient, on écrit vers de la prose, on doit fabriquer quelque chose en attendant le jour qui vient, ou alors... Je chante pour passer le temps, comme c'est plutôt j'écris. Je chante pour passer le temps, petit qu'il me reste de vivre. Voilà. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis pas devenu ballerine? Pourquoi je suis pas devenu sculpteur? Pourquoi je suis pas devenu serial killer? J'en sais rien, quoi. C'était pas dans mes gènes, peut-être. Mais c'est vrai que le fait de... Non pas de parler plusieurs langues, c'est ça, on s'en fout. C'est à la portée de n'importe quel chien savant. Mais le fait de penser déjà dans deux... Ça m'a ouvert les portes. Voilà, ça ouvre un peu plus. Et c'est vrai que dans les moments, je suis reconnaissant que dans les moments où les gens me boudaient un peu ici, ou même oublié, je ne sais pas, choisi, j'ai pu. La fois où j'ai fait les 15 mots en anglais, ça m'a pris beaucoup de temps parce que c'était pas facile. Une fois que j'avais ouvert la porte, c'est facile, mais avant de trouver l'entrée... Ouais, l'axe. Ouais. Heureusement que j'avais... Les anglo-saxons ne me considéraient pas comme quelqu'un de terminé. C'est bien. Tu ne l'es pas non plus, tu es ouvert à tout, tu es prêt à tout. C'est très chaud. J'avais très peur de ce qu'on ferait, parce que... Je me suis dit, c'est un genre d'épitaphe, quoi. Okay. Après, on va me donner la, oh, oui, okay. On va me donner la, tu sais, la montre gravée, tu sais. Et on va me dire, comme Mitchum dans Western. Au revoir, shérif. Merci pour tout. Tiens, ça, c'est une couverture écossaise pour mettre sur le rocking chair. Et en fin de compte, le bol que j'ai eu, c'est qu'il y a eu un titre sur Christophe, l'album qui est sorti une semaine avant. Et il y a eu l'album de Christophe Maé qui est sorti. Ouais. J'ai fait qu'une chanson. Mais elle donne le titre de l'album et elle va sortir en simple, qui est La Trappe-Rêve. Alors ce qui est drôle, c'est que deux jours avant, Maé me demande de faire une chanson sur La Trappe-Rêve. J'avais écrit en anglais un texte, The Dreamcatcher, qui m'a été offert par Elise Vell et René Dupéré. J'ai pendu à mon arbre, je le tiens. Un kick-shout. Comment ? Tout s'enchaîne, tu sais. Oui, c'est ça, c'est un... C'est un tricot. Moi, je dirais les poupées russes. Ah ben oui, ah ben ouais. C'est des matrioshkés. Ma vie est une suite de matrioshkés qui n'ont pas dit la même chose, mais... Ils ne diront pas la même chose. Mais là, c'est vrai que là, j'ai connu J'ai connu quand même l'âge d'or. Je ne savais pas que c'est l'âge d'or. Putain, j'ai acheté plein de disques, j'ai écouté plein de trucs. Là, honnêtement, en variété française, même en chanson française, je ne sais plus grand chose. Je trouve qu'il y a beaucoup de copies. Ouais. Il y a beaucoup plus d'auteurs composites. Et. Voilà, je... J'aime pas m'ennuyer, donc... Mais en ayant tout ces arcs... Oh là là, le sushi libre, qu'est-ce que c'est taillé, puisqu'il arrive. Voilà, en tout cas, non, je... Là, je suis très content de ce coffret parce que ça m'a permis de faire de nouvelles rencontres. Je pense par exemple Vandel, Ross Info, ancien ingénieur du son. Ouais, Nathier, je connaissais, mais je ne sais pas que c'était toi, avec Gainsbourg en anglais. Non. C'est blessant, en même temps. Non, mais là, ça vient. C'est beaucoup des problèmes de personnes. Hein. Le Brexit, c'est la rivalité de deux mecs, Boris Johnson et Cameron. Il y en a un qui veut continuer à être le calife et l'autre qui veut être calife à la place du calife. C'est la même chose. Il y a des civilisations qui sont nées sur ce malentendu. Romulus et Rémus. T'imagines si c'est Rémulus qui avait, et Rémus, si Rémus qui avait gagné, on n'aurait pas dit Rome, on aurait dit Rem. Et Michael Stipe aurait été emmerdé. Il trouve un autre nom de groupe. Donc, là, si tu veux, je peux le dire maintenant parce qu'il n'est plus dans la course, mais le fait qu'il y ait eu aussi peu de promotion en France sur les Gainsbourg en anglais, parce que Gainsbourg avait visité, alors que j'ai eu des sous, ça a bien marché à l'étranger. Les meilleures critiques que j'ai eues, c'est au Japon et dans les journaux, dans les magazines anglophones du Canada. Tu dois connaître, c'est un magazine, l'équivalent de Mojo et The Face. C'est vrai qu'ils comprenaient l'anglais déjà, mais le mec qui dirigeait Barclay, donc déjà les trucs qui sont licences, ça les intéresse pas, me détestait pour des raisons que j'ignore. J'ai cru au départ que c'était pas contre moi, je crois que c'était par rapport au fait que je travaillais plus avec Bachou, qui protégeait leur artiste. Je crois que c'était plus par protection de leur artiste que par attaque personnelle. Je suis resté assez anglais de ce côté-là. Et puis en fin de compte, non, c'était moi qui détestais. Donc le disque a été saboté, mais sur mon coffret, il y a sur les 14-15 titres que j'ai fait de Gainsbourg en anglais, il y en a au moins 9, dont mes préférés. Le Possédant des Lilas par The Rakes, la chanson de Slogan par The Kills, et le troisième, malheureusement, il n'était pas, j'ai pas pu le mettre, c'était la version de I'm the Boy par Soft Cell. Mais j'aime bien. Sorry and Joe, c'est exceptionnel. Comment? Sorry and Joe. La version des Cardigans. Oui. Plus que la version. De Jane Birkin aussi. Je l'aime moins. Ah oui? Je l'aime moins parce qu'elle a changé des trucs dans le texte que j'aime pas. Ok. Je t'explique. Vas-y. Je t'ai suicidé, mon amour. C'est ton verre. Elle le change. Et sans me demander mon avis, ce que j'ai trouvé vilain de la part d'une compatriote, Elle a mis I push you to suicide, ce que je trouve banal. Moi, j'avais mis I committed you to suicide. Timothée Verica a montré les deux versions à Nina Persson de Cardigans. Elle a choisi la bonne version. How do you dare talk of love if you've never known Lola Rastaquera? She thought she was a he thought he was a she, but neither of them knew really. Fireman's pole, a shabby cat house, the happy few, stripper on a string, foot in the queue, you had to mix wages for the ultimate view. In the sea, and when all's been done and nothing's been said, you leave the joint and roll to sleep. You run your fingers through her hair, between you and me. Her lips don't give a damn. She'll go down on you, still breathing air. The sun start to rise, so do you, if you can. Show me your guns and grit. Seems to me you're a man. Fight where your weapons fit. Wasn't you kind of blind? The girl from Amsterdam knows the target you've in mind. En deux ou trois journées, tu auras pris le large. Je reste dans de la page tournée. Je ne serai jamais la dame d'Amsterdam. Son corps comme un écueil, son ombre comme un deuil. Les hommes qu'il aimait venaient s'y briser là. I'm just another smile, a girl from Amsterdam. Stay with me for a while, call yourself Barbara Sam. I sure don't give a damn, asking is not my line. reality's a dream. I won't hide over it. Let me give you my scene. Happy for a while. Men, they will come and go. It is part of the game. Turn off my radio. Singers gone, songs we men like the sun. The rain waiting to shine again. Singers gone, songs we men like a sun. In the rain waiting to shine again. La version de Nina Persson est différente de la version de Gainsbourg, mais reste dans l'esprit. Et puis la version qui nous a porté pour bonheur aussi, Lola Rastaquer, parce que c'est la première qu'il a enregistrée et tous les autres ont suivi. Ah oui, là, ça c'est l'effet domino. C'est le studio de Blanc Franca, qui est le mec qui a fait la prise de son pour Gabi, la voix. Sly et Robbie. Marine Faithful. Quel bouquin. Tu es dans un coin. Ah ouais, c'est ça. Inside me. Tu n'as même pas besoin de sortir la pipe d'opium de tes bagages. C'est professionnel. C'est du paradis. C'est de la magie. Naturel, quoi. La magie. J'ai eu de la chance. J'en ai encore, parce que. Il y a des gens de ma famille, ou je devrais dire plus modestement, des gens qui sont d'une famille où je suis venu, que je suis venu rejoindre. Par leur attitude, leur choix, leur nom, leur ont été vraiment. Ah oui. Et moi, je vais te dire, ça m'est arrivé, mais il y a quelqu'un là-haut qui doit bien m'aimer parce que je m'en suis toujours pas sorti. Et je crois que ma force et ma faiblesse, parce que hein, une médaille à deux côtés, c'est que. J'étais trop paresseux pour devenir quelqu'un d'autre, vraiment. J'ai pas. Alors, quand Lelouch m'a demandé de faire des chansons de film, j'avais des cahiers de charges. Et là, c'était amusant. Boris, ça se passe en 45. Il y a une fausse Joséphine Bunker qui chante avec un faux Glenn Miller, joué par James Caan. Bien sûr, je peux pomper les mêmes mots que d'habitude, ceux que j'emploie instinctivement. Mais tu te dis comment j'ai réussi à être moi-même. Et dans ces cas-là, j'ai des modèles. Gene Vincent, comment Gene Vincent, en chantant la chanson, la même chanson de Judy Garland, Over the Rainbow, va réussir quand même à garder son phrasé rock et sans dénaturer la chanson, à s'approprier. Là, ça devient un challenge. Moi, j'aime bien les. Ça va l'être des défis. Bah, tu sais, c'est cette journaliste française qui demandait à Churchill, mais comment avez-vous fait pour gagner la guerre? Elle savait, cette journaliste française savait que, contrairement à beaucoup de Français, c'est que les Anglais, les Allemands, ils n'étaient pas à Dunkerque, ils étaient à Jersey-Guernesey. C'est pour ça qu'ils avaient aussi peur des espions, parce qu'ils étaient à une heure d'un bon nageur pour arriver sur les côtes anglaises en une demi-heure. Bon. Et la légende veut que Churchill a oublié qu'il avait un cigare en bois, parce qu'il était en fumée. Il a commencé à taper son cigare en bois, et il a dit à la jeune journaliste française, « My dear child, ce qui était mauvais signe pour ses fesses en général, tu es un gros coquin quand même. My dear child, we made it because we didn't know it was impossible. Souvent, tu disais aussi, comment je vais m'en sortir? Et à un moment, t'as la petite fente dans le mur, la petite crown in the wall. Et voilà, bon. Boris, tu vas arriver après 3 heures, tu dois être libéré. Ça va, je peux être à 5 minutes. Hein. Ok. Merci d'être passé à mon émission. Très gentil. Heureux de t'avoir vu. Enfin. Écoute, tu sais, j'étais passé à ta radio. À CKRL? Oui, parce que quand j'étais président du jury du Québec. Oui. Avec TFN, avec Oumu Sangaré, un Québécois qui s'appelait aussi Bélanger, mais j'ai oublié le prénom. Michel Bélanger. Daniel Bélanger. Il faisait de la musique électro. Oui, Daniel Bélanger. Voilà. Il fait de tout, acoustique, électro, oui. Hyper sympa. Oui. Grand bonheur. Ah, merci. De rien. Est-ce que tu voulais? Ah, c'est merveilleux. Juste une petite photo pour sûr, mettre ça sur mon... Bien sûr. Tu veux qu'on fasse un selfie, comme ils disent ici? Ouais, ben c'est ça, oui. Vas-y. Non, mais avec l'appareil... Ah, un appareil sophistiqué. Ouais, ben... C'est juste... Tu prêt? Ah, my God. Hey. Ah. Dernière pour la boîte. Ok, oui, le chapeau, oui. Tu sais que Bowie a acheté le même une semaine après dans la même boutique. Ah oui? Chez Bates. Ok. German Street. Ah oui? Tu vois? Telephone rings, wind stop, present Kenny, calling me out, c'est ma friend Bob. What do we need to make the country grow? C'est ma friend John, Brigitte Bardot, Annie Tigberg, country will grow. Dernière. Oui. Parfait. Perfect. Non, mais quand on peut appeler ça un délire. Là, t'es en retard pour ton rendez-vous. Là. Non, mais je t'expliquais, c'est un rendez-vous heureux. Ouais, pour aller chercher des billets. Je vais chercher mes billets pour l'Eurostar, pour aller à Londres. Et pour moi, c'est une libération, c'est comme une sortie d'écrou. Je mets mes livres Sterling, sur la table. Non, les deux. Je vais travailler avec David Hare, qui est un auteur de... Oui. Skylight, tu connais la pièce, oui. Skylight? Et tu restes encore longtemps? Le plus longtemps possible. Si tu veux, je peux t'aider. Ça m'a l'air un peu lourd à porter. Sur ta rien oublié, les bateaux que tu me démontais. Au vertu des rasoirs, tu viens couper court à notre histoire. À tiroir. que des roses. Yeah.